Ne me laisse pas l'aimer. Pourtant c'est lui que tu veux. Ne me laisse pas l'aimer. Et tu m'oublies peu à peu. Ne me laisse pas l'aimer. Je sais qu'un jour viendra, tu tomberas dans ses bras. Ne me laisse pas l'aimer. Mais il est déjà trop tard. Ne me laisse pas l'aimer. Mais tu l'aimes déjà. Ne me laisse pas l'aimer. Un jour, il fera mouche. Tu tomberas sur sa bouche. Tu ne peux pas résister quand il vient te parler. Je vois tes yeux qui s'accrochent à ses yeux. Non, tu ne peux pas résister. Il sait que c'est plus fort que toi. Et comme il te veut, un jour il t'aura. Ne me laisse pas l'aimer. Mais tu te prends à son jeu. Ne me laisse pas l'aimer. Il est bien trop dangereux. Ne me laisse pas l'aimer. Oh non, tu ne vois pas comme il s'amuse de toi. Ne me laisse pas l'aimer. Il ne faut plus le revoir. Ne me laisse pas l'aimer. Il fera ton désespoir. Ne me laisse pas l'aimer. Jamais. Oh non, jamais. Ne le revois plus jamais. Ne me laisse pas l'aimer. Il ne faut